La transparence de l'ego. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'individu qui vit un processus d'évolution de la conscience est appelé à développer un ego qui est transparent. Donc, un ego qui est transparent, c'est un petit peu comme de l'eau qui est transparent, c'est sans coloration. Donc, autrement dit, l'ego qui est transparent, c'est un ego qui n'est pas coloré d'astralité, donc il n'est pas coloré de réflexion, qui n'est pas coloré que ce soit des émotions, de la peur, de la crainte, de la tristesse, de la jalousie, que ce soit des croyances erronées. Donc, l'ego qui est transparent est comparable à une lentille à travers laquelle la lumière peut circuler librement sans qu'il y ait des obstacles et des interférences. Alors que lorsque la lentille est opaque, eh bien, la lumière ne peut pas y traverser facilement. Donc, l'ego doit être comparable à une lentille à travers duquel s'exprime la vibration qui provient du plan mental, sans qu'il y ait des interférences qui proviennent du plan astral qui vont assombrir cette lentille, la rendre opaque, dense, colorée, remplie de mensonges, d'illusions qui vont empêcher à ce que la lumière de l'esprit puisse la pénétrer et traverser et circuler à travers elle. Donc, éventuellement, l'ego est appelé à devenir transparent pour qu'il se produise une libre circulation de l'énergie à travers lui, comme une lentille, sans qu'il y ait des interférences. Et plus que l'énergie circule librement, plus que l'individu a accès à de l'énergie, plus qu'il est vitalisé dans sa vie de tous les jours, et plus qu'il est en mesure d'agir d'une manière consciente en congruence avec l'esprit. La transparence de l'ego amène l'individu, lorsqu'il œuvre en fonction de cette dernière, à être honnête envers lui-même, à regarder les choses en face, au lieu de se mentir, de se raconter des mensonges ou se laisser influencer par des pensées qui proviennent d'entités astrales qui sont mensongères et qui veulent le colorer. Donc, autrement dit, il regarde les choses en pleine face. Par exemple, ce qui amène la transparence de l'ego, c'est l'ouverture qu'il va avoir à l'égard de son environnement. Donc, si par exemple un individu se trouve dans une salle d'entraînement et que son entraîneur vient le voir et lui dit qu'il ne fait pas correctement un exercice, si l'individu n'est pas transparent, ben, il va dire « Ah, je le fais correctement, je le fais correctement », il ne se posera pas la question, il ne voudra pas voir, il ne voudra pas observer si l'entraîneur qui dit qu'il ne fait pas correctement, il n'aurait pas raison à quelque part. Donc, autrement dit, il ne prend pas en considération son point de vue. Et généralement, quand les gens ne sont pas transparents, c'est parce qu'ils sont très orgueilleux. Donc, ils vivent dans l'illusion qu'ils ont raison à tout, qu'ils sont tout puissants, qu'ils ne peuvent pas se tromper, qu'ils sont infaillibles, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, l'orgueil de l'ego, c'est la coloration qui l'empêche de s'ouvrir à l'autre. Donc, autrement dit, quelqu'un se fait dire qu'il ne fait pas comme il faut un exercice d'entraînement. Donc, s'il ne s'ouvre pas au point de vue de l'autre, il n'est pas transparent. Donc, il peut prendre le point de vue de l'autre et l'évaluer pour voir si c'est intelligent ce qui lui est dit par l'autre individu. Donc, il observe comment il fait l'exercice. Donc, il regarde si ce que lui dit son entraîneur a du sens ou non. Donc, il évalue. C'est la même chose qui doit être faite en passant lorsque l'individu reçoit une pensée qui provient d'une entité. Donc, il doit, lorsqu'il a la pensée qui arrive dans son mental, l'évaluer. Pour évaluer si c'est intelligent ou pas. Donc, il exerce son discernement, il l'évalue, et s'il est transparent dans son ego et qu'il observe que, objectivement parlant, honnêtement, il ne fait pas comme il faut l'exercice et ça risque de le blesser, eh bien, il doit être capable de le reconnaître. Il doit être capable d'aller au-delà d'un orgueil qu'il pourrait avoir et de reconnaître que oui, il ne fait pas comme il faut l'exercice. Donc, s'il est capable de faire ça, il est assez transparent envers lui-même pour observer les choses. Et la deuxième étape, en lien avec la transparence de l'ego, c'est être capable d'agir en conséquence des constats qui s'imposent. Donc, autrement dit, si la personne fait la lecture vibratoire qu'il ne fait pas l'exercice comme il faut. La deuxième étape, c'est d'agir sur la vibration et de modifier la façon qu'il fait l'exercice pour ne pas se blesser sur le plan physique et le faire adéquatement à présent. Donc, autrement dit, la transparence de l'ego, c'est la capacité de l'individu être capable de reconnaître lorsqu'il est dans l'erreur, lorsqu'il a des torts aussi. Donc, la transparence de l'ego fait en sorte que l'individu ne nourrit plus d'orgueil et il n'est plus égocentrique dans le sens astral du terme. Donc, autrement dit, il n'est plus coloré par d'énergie astrale. Et c'est difficile parce que ça amène l'individu à reconnaître ses faiblesses, à aller dans des zones de vulnérabilité qu'il a par rapport à lui-même, d'être capable de mettre fin aussi à certaines résistances qu'il peut avoir à l'égard de lui ou à l'égard des autres. Donc, autrement dit, la transparence de l'ego va faire en sorte que l'individu va être capable de s'ouvrir, soit un individu qui le remet en question, comme par exemple le coach à la salle d'entraînement, ou ça peut être aussi une entité qui lui parle dans le mental et qui lui demande de modifier un comportement. Parfois, ce qui arrive aussi, c'est que l'individu, en processus de conscientisation, ça peut lui dire intérieurement de modifier un certain comportement qu'il peut avoir à l'égard de sa compagne. Et puis, s'il n'écoute pas le signal, eh bien, éventuellement, ça peut être le même signal qui va provenir tout simplement de sa compagne, qui va s'exprimer à voix haute et dire qu'elle vit un malaise après avoir accumulé un certain temps, un malaise qu'elle ressentait. Donc, autrement dit, la personne, soit qui écoute sa voix intérieure et qui va lui parler, ou il va écouter l'environnement et par individu interposé, il va avoir un signal qui est de nature vibratoire qui va s'exprimer à travers d'individus. Donc, ça peut être une personne à l'extérieur de lui qui va l'ajuster s'il n'est pas capable de s'ajuster lui-même par rapport à son intériorité. Et éventuellement, quand l'individu va avoir un ego qui est extrêmement transparent, eh bien, il va être capable de seulement fonctionner avec des ajustements en relation avec sa communication interne. Il n'y aura pas besoin d'être confronté à des individus qui vont le remettre en question à haute voix ou des événements difficiles, que ce soit des chocs de vie, des accidents, des pertes d'emploi, des ruptures amoureuses, pour l'amener à vivre une modification comportementale, parce que la modification va venir de la capacité de l'individu à être à l'écoute de son esprit. Parce que la transparence de l'ego, son but, c'est de lui permettre d'être le réceptacle intelligent de la vibration de l'esprit et à ce moment-là d'intégrer cette énergie-là dans le cadre du processus de la fusion entre l'individu et sa contrepartie cosmique. Et plus que l'individu est transparent dans son ego et plus qu'il est en mesure d'intégrer son esprit, mais c'est quelque chose qui est extrêmement pénible pour son ego parce qu'il doit accepter qu'il n'a pas raison à tout. Puis il doit être capable de s'adapter au point de vue intelligent de l'esprit. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de point de vue intelligent de l'esprit, c'est que l'individu doit s'ajuster finalement en fonction de l'idée, que ça provienne de son intériorité ou d'une personne extérieure à lui ou de quelqu'un qui entend la télévision, qui est la plus intelligente et vibrante qu'il perçoit par rapport à ce qu'il doit faire. Donc, autrement dit, la volonté réelle de l'individu qui présente un ego transparent consiste à agir en fonction de l'idée qu'il perçoit comme étant la plus vibrante dans la vie de tous les jours. La volonté de l'ego conscient, ce n'est pas de dire « je veux faire telle affaire ». C'est un mouvement d'intégration d'une idée intelligente qui provient du cosmos et par rapport à laquelle l'individu va agir en conséquence. Donc, autrement dit, l'individu qui a un ego transparent doit être capable de réaliser que ce n'est pas lui en tant qu'ego qui dirige sa vie, mais que sa vie est sous l'influence d'idées intelligentes et qu'il doit être capable de les capter et d'agir en conséquence pour que sa vie soit gérée intelligemment. Donc, ça lui demande de faire preuve de discernement, mais ce qu'il doit reconnaître, c'est que l'idée de génie qui peut se manifester à lui, ne provient pas de lui, au même titre que l'idée qui est stupide. Donc, autrement dit, l'individu qui a une idée qui est extrêmement créative, géniale. Il doit reconnaître qu'elle n'origine pas de lui, donc il ne doit pas chercher à développer un orgueil par rapport à elle, à s'attribuer un mérite qu'il n'a pas, parce que ce n'est pas l'individu qui pense, mais c'est plutôt lui qui reçoit les pensées de l'invisible, au même titre qu'il ne doit pas se dévaluer ou se sentir coupable ou gêné à cause qu'il a eu une idée qui a émergé dans son mental qui est de nature inintelligente. Donc, autrement dit, peu importe la polarité à laquelle il peut attribuer aux idées qui émergent dans sa conscience ou qui sont acheminées à lui par des individus interposés, il est capable d'être libre de la forme, donc d'être objectif dans son mental, donc d'avoir un ego qui est transparent. Et par rapport à la mouvement du développement de la transparence d'un ego, habituellement, ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est d'être capable de reconnaître lorsque l'individu manque d'ajustement, d'être ouvert aux critiques constructives, donc une ouverture d'esprit qui doit se faire. Donc, c'est la première étape. Et la deuxième, c'est d'être capable de se mettre en action en conséquence. Parce que quelqu'un peut reconnaître qu'il y a un ajustement à faire, mais s'il ne bouge pas, ça ne sert pas à grand-chose. Cette personne-là, à ce moment-là, demeure un philosophe de la conscience, quelqu'un qui a une grande compréhension théorique du monde de l'esprit, mais qu'il n'y a pas d'application pratique. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, ça lui dit qu'il doit s'entraîner davantage sur le plan physique parce qu'il n'est pas en forme ou qu'il doit arrêter de fumer la cigarette et s'il n'agit pas en conséquence, bien, à ce moment-là, son état de santé ne s'améliore pas. Donc, autrement dit, la transparence de l'ego passe par la perception vibratoire, donc capacité de percevoir les choses avec objectivité, tasser l'ego, tasser l'orgueil, tasser les résistances, et ensuite d'agir en conséquence. Et d'agir en conséquence, parfois c'est difficile parce qu'il peut y avoir de la peur qui émerge en l'individu, il peut y avoir des influences, d'idées qui proviennent du plan astral qui cherchent à empêcher l'individu à passer à l'action en vue d'accéder à un état d'énergie supérieur à son état présent. Donc, autrement dit, il y a des entités astrales qui cherchent à influencer négativement l'individu pour ne pas qu'il hausse son taux vibratoire, et c'est à l'individu d'être capable de se détacher de ces influences néfastes en ayant une certaine fermeté dans sa volonté d'agir en fonction des idées qui sont plus vibrantes pour avoir un taux vibratoire qui est en concordance avec ses agissements et ses idées qui le met en relation avec la dimension de sa contrepartie cosmique qui est de nature énergétique et très haute. Lorsque l'individu aura un ego qui est totalement transparent, il sera en mesure de fonctionner dans sa vie de tous les jours sans réfléchir, c'est-à-dire sans qu'il y ait un mouvement d'un orgueil planétaire dans son mental qui l'amène à prendre l'énergie, la trafiquer, la remancher. Donc, l'individu va pouvoir prendre les choses telles quelles, donc la vibration à l'état brut, sans qu'elle soit filtrée, polarisée, qu'elle soit colorée par des peurs, des craintes, et ainsi de suite. Donc, elle va pouvoir prendre la personne qui va vivre un ego transparent, l'énergie, en l'absorbant directement, sans que cette énergie soit trafiquée par différents éléments qui vont l'abaisser en vibration. En terminant, ce qui peut être mentionné à l'égard de la transparence de l'ego, c'est que tout simplement le meilleur moyen de la développer, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même, de se raconter des histoires et d'être honnête envers soi. C'est sûr que ça crée des chocs au début, ça peut amener à vivre des émotions désagréables, ça peut nous amener à ressentir toutes sortes de choses, mais de regarder la réalité en pleine face et d'être capable de la supporter, c'est ce qui permet vraiment d'y voir plus clair par rapport à sa vie.